parler avec notre ami Roger Brulotte, c'est le commentaire sportif. Salut Roger. Salut Danny. Hey, dans le Journal de Québec, on n'a pas ta chronique, mais dans le Journal de Montréal, là, t'as une chronique, un genre de parle-parle genre de tous les jours, t'as des potins. Puis je sais que t'as couvert la fête de Guy Lafleur lundi, je pense, qui fêtait ses... C'est bien. 70 ans, Danny. Ouais. Ans, j'avais été invité à cette réception-là, et j'ai passé des beaux moments. Il y avait Serge Chavard, Bob Gainé, Mario Tremblay, Rick Green, Pierre Bouchard, Yvon Lambert, Réjean Houle, c'est une journée, et M. Molson et France Marguerite, qui est Bélanger, la présidente du groupe CH qui était là. C'est un dîner mémorable. C'est là qu'on voit quand même qu'il y a un lien entre les anciens Canadiens. Ça semble vraiment tissé serré, hein? Mais c'est un lien d'amitié ouais, qui est très fort et qui grandit toujours, même avec les anciens d'aujourd'hui. C'est-à-dire, tu regardes les anciens joueurs de 5 ans, l'amitié est toujours là. C'est incroyable de voir jusqu'à quel point ce groupe d'athlètes se tiennent. OK. Guy, Chantal McAvey disait l'autre fois 91-9, c'est qui dans 10 ans qui va être les anciens Canadiens? Un genre de tournée. Ça va-tu exister autant qu'aujourd'hui? Je suis pas sûr, hein? Quand on regarde ça, là, c'est pas la même mentalité. C'est pas la même chose. Faut pas que t'oublies. Les anciens Canadiens, à cette époque-là, t'avais beaucoup de francophones. T'avais beaucoup de francophones. Et si tu regardes dans le monde du sport, maintenant, les anciens de chaque athlète, ils ont des événements, et pas nécessairement des événements chaque soir, parce qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui demeurent dans la même ville que ton ancienne équipe. Montréal est privilégié, sans aucun doute. Ouais. Comment il va, Guy? Je sais que Réjean Tremblay disait que l'autre fois que c'est dans 2 semaines, je pense, qu'il va commencer ses traitements. Il va commencer un nouveau traitement. Puis il est bien encouragé. Quand j'ai parlé lundi, il était bien encouragé. J'ai vu le lendemain aussi. Il était bien encouragé avec les traitements qui s'en venaient. OK. Mais par contre, il va perdre ses cheveux et tout ça, hein, je pense. C'est ça? Ben ça, comme qu'il me dit, perdre mes cheveux, c'est quoi? Il parle avec Mac deux fois. Il dit, c'est juste perdre mes cheveux, me casser pas la tête, je suis prêt à perdre ça. OK. Alors, la phrase a toujours été un gars qui n'a jamais cessé de combattre l'adversité puis continue encore. OK. Donc, on va suivre ça de très, très près. Roger, Jonathan Drouin, tu as eu les deux entrevues. Moi, j'en fais de l'anxiété, j'en fais exactement. Donc, je suis en mesure de comprendre ça. C'est pas facile. Tu sais, il faut vraiment le vivre pour comprendre. Par contre, moi, ce que j'ai trouvé le fun dans le cas de Jonathan Drouin, c'est que, tu sais, il a quand même eu l'humilité de le faire. Hein. Écoute, ben, Jonathan, je le connais depuis l'âge de bantam au hockey. Ouais. Et lors du tournoi de golf du CHUM, on a jasé longtemps avant. On a jasé de plus d'affaires qui étaient des entrevues que tout à fait normales. Et ce que je vois où ce qu'il est rendu là, c'est que mentalement, je lui ai dit, mentalement, il est plus rassuré de lui-même. C'est là, puis je pense qu'il comprend qui ce qu'il est. Tu l'as vécu, c'était comme. Je pense qu'il l'a vécu. Tout au long de sa vie comme athlète, il a toujours été obligé d'être le meilleur. Il était le meilleur, mais jamais satisfait de lui-même. Jamais, écoute, tu peux pas comparer, là. C'est moi, je suis un no-name, tandis que l'autre, ben, c'est un... T'es pas un no-name, t'as un nom dans ta vie pareil, d'ailleurs. Oui, je sais, tu l'as vécu. Oui. Ce que t'as vécu, c'est la même chose, pas le même impact médiatique, par contre. Oui, c'est ça, c'est dans ce sens-là que je veux dire ça. Donc, ça ajoute encore plus de pression, là. Mais la pression, maintenant, ça va venir des partisans. Est-ce que les partisans vont être respectueux ou tout simplement laisser emporter leur frustration lorsque l'équipe va perdre? C'est ça qui est intéressant à voir. Ouais. Les Blue Jays, bonne nouvelle aujourd'hui. On va avoir 30 000 personnes contre les Yankees et les Orioles. C'est un match, une défaite décevante hier, par contre. Là. Tout comme contre les Orioles. Ouais. Je pense que le fait d'avoir contre les Rays de Tampa Bay a peut-être dégonflé un peu leur ballon. Moi, je regarde les Rays jouer et je regarde les Jays jouer. Je pense que les Jays doivent apprendre à gagner, s'amuser un peu moins, mais gagner en s'amusant. Je pense que cette année, là, il a appris à s'amuser. Là, il faut qu'il apprenne à gagner. Mais un gars comme Marcus Semien, c'est là quand même que son leadership est incroyable. Mais c'est là quand même. Semien, c'est aucun doute la révélation de l'année. Ses points produits, c'est son travail au bâton, sans aucun doute. C'est le meneur de l'équipe. À l'intérieur, quand tu regardes sur le terrain, mais l'équipe va comme Vladimir. Et comme n'importe quelle équipe sportive, t'es tout aussi bon que ton meilleur. Ouais. Lorsque ton meilleur joueur est dans une bonne séquence, mais l'équipe va connaître une bonne séquence. T'aurais à prendre entre le père et le fils, qui tu prendrais, Vladimir? Le père. Le père? Ah ouais? Oh ouais, sans aucun doute. Le père ne faisait pas que frapper des coups de circuit de la moyenne. Il courait sur les buts, il était bon défensivement. Ouais, tout au complet. Là. Ça, tu regardes les coups de circuit de Junior, c'est formidable, mais tu regardes le père, sa moyenne au bâton, le peu de. Écoute, ben, il n'a pas connu une saison, je pense, de 100 retraits sur 3 prises. C'est pas croyable. Là. Puis lui, il s'est lancé croyable. Du premier lancé. C'est quand même assez surprenant. Lui, il s'est lancé. Et c'est pour ça que, oui, le fils, la puissance est là, sans aucun doute. Mais courir sur les buts, non. Le talent défensif, non. Il y a un aspect qui est bon, tandis que le père avait 5 aspects de jeu. En terminant, je t'ai entendu l'autre fois dire au 99, puis je m'en ai surrappelé par la suite, parce que je suis encore énormément le baseball, là, mais je m'en rappelais plus, mais ça m'est revenu quand tu en as parlé. Les Expos auraient pu choisir Derek Jeter, et on a pris B.J. Wallace, un lanceur gaucher, qui avait quand même au collège... Et surtout, à l'époque, c'était une question d'argent. C'est ça que je trouve frustrant, c'est une question d'argent. Et il a passé, écoute bien, ils ont eu une chance. Ils ont aussi eu une chance d'avoir Roger Clemens, mais ils l'ont pas pris. Greg Maddox aussi, je pensais. Maddox aussi. Non, Maddox, non. Maddox, c'est vraiment. Mais Clemens, oui. Clemens, il était dans l'avenir des Expos, mais ça n'a pas fonctionné pour plusieurs raisons. À l'époque, il était au collège. Okay. Mais dans le cas de Jeter, c'était strictement monétaire. C'est ça que je te demande. OK, mais c'est sûr. Est-ce qu'il aurait connu la carrière? Sûrement. Il aurait probablement jamais pas resté à Montréal, parce qu'on sait que dans le temps, on les échangeait quand ils devenaient bons tout de suite. Oui, on les échangeait parce qu'on ne gagnait pas. Comprends-tu? Fait que ça coûtait trop cher. Mais quand tu gagnes, tu les gardes. C'est pas la même chose. Est-ce qu'il y a eu la même carrière avec les Expos? Je sais pas. Tu sais, des fois, tu joues dans un endroit qui te motive. Il vient de New York. C'est un gars de New York. Il a joué avec des grands joueurs. Puis je pense que la ville de New York l'a motivé. T'sais, on regarde Guy Lafleur, la carrière qu'il a eue. La ville de Montréal l'a motivé, le Québec l'a motivé. C'est pour ça que je te dis que souvent, l'endroit dans lequel que tu vas jouer a beaucoup d'influence sur ta carrière. Par contre, Roger, quand j'entends dire Montréal joue pour les Canadiens, c'est la même chose à New York avec les Yankees, avec les Cowboys de Dallas, avec le Real Madrid au soccer européen. Je n'ai pas envie de crédit à ton média. Ouais. J'espère qu'on ne va pas se comparer aux villes que tu viens de nommer. Non, mais je te parle d'équipe. Real Madrid, c'est quand même... Jouer pour Real Madrid, c'est quand même gros. Bon, mais quand tu vois, chacun son sport, son équipe de bête. Ouais. Pour nous, les francophones, c'est les Canadiens. Mais pour les anglophones, c'est Toronto. Ouais. Pour les jeunes anglophones, Toronto, c'est la grosse équipe. Canadien, c'est la tradition gagnante. Mais ces jeunes-là ont vu jouer les joueurs de Toronto plus que les joueurs du Canadien. À cause de... Le samedi soir. Ben oui. D'hockey du samedi soir. Ouais. Roger, on se reparle vendredi prochain. On est prêt. Notre ami Roger Brulotte.